إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui on commence le cours numéro 20 dans l'explication de Sharh Masail al-Jahiliya. On est arrivé au point numéro 48 dans les points qui sont mentionnés par le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et donc ce point-là s'intitule « Kufruhum bi ayatillahi jumlatan » C'est-à-dire le fait que les gens de la Jahiliya, ils nient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière globale et de manière générale. C'est-à-dire ils rejettent les signes en entier. Et donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab il dit rahimahullah al-kufru bi ayatillah, le fait de nier en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nier les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de rejeter la foi ou de mécroire en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant le Cheikh Salih al-Fawzan il explique maintenant ce point. Min masa'il ahl al-jahiliyyah al-kufru bi ayatillah allati anzalaha ala rusulih fi at-Tawrat wal-Injil waz-Zabur wal-Qur'an وغيرها من الكتب المنزلة وقد توعد الله من فعل ذلك فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وغير ذلك من الآيات التي تذكر أن الكفار يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالى ويعارضونها بعقولهم الفاسدة وبشبههم الباطلة وهذا ينجر إلى كل من كذب بآية من آيات الله أو بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من آيات الله لأنه وحي من الله عز وجل فالذي يكذب ببعض الأحاديث الصحيحة كما يفعله بعض المغرورين والمثقفين إذا لم توافق أفكارهم وعقولهم كما عليه العقلانيون كل هذا من التكذيب بآيات الله سبحانه وتعالى والواجب على المؤمن أن يؤمن بآيات الله وأن يصدق بها وأن يعمل بها لأنها حق لا يعتريه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يتطرق إليها شك ولا ريب. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce point là en disant que parmi les points qui ont rapport avec la religion des gens de la Jahiliya ou bien la voix des gens de la Jahiliya, c'est qu'ils renient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah a fait descendre sur ses messagers comme la Torah, l'Injil, le Zabur et le Coran, et d'autres également, parmi les livres qui sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé quiconque faisait ce genre de choses, c'est-à-dire quiconque rejette ou nie les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'enfer. Et il les a menacés par l'enfer, et il mentionne les versets à ce sujet. Comme par exemple le verset 40 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et quiconque, traite de mensonge les signes nos signes, quiconque traite de mensonge nos signes et s'enfle d'orgueil face à nos signes, alors les portes des cieux ne seront jamais ouvertes pour eux. Hein? On n'ouvrira jamais pour eux les portes des cieux. Et le verset 23, dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont mécru en nos signes, ou ceux qui ont mécru en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et en sa rencontre, ceux-là ont perdu la miséricorde, ceux-là ont perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que plusieurs autres parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les kuffars nient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils opposent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leur raison qui est corrompue, hein, ou bien sur des shubuhat, hein, qui sont totalement fausses. Et donc, ces versets dans lesquels on mentionne le fait que les kuffars nient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala s'appliquent à toute personne ou à tout individu qui nie un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui nie un hadith authentique parmi les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça aussi ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement les versets du Coran comme certaines personnes pourraient s'imaginer, mais ça comprend et ça inclut également les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam font partie de la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et celui qui rejette donc certains hadiths, hein, parmi les hadiths qui sont authentiques, comme certains parmi les soi-disant intellectuels, hein, qui ont été trompés par leur ignorance justement, ou par leur ce qu'ils considèrent être yani la culture personnelle ou l'intelligence qu'ils possèdent, hein, ils ont été trompés par ce genre de choses-là, et à cause donc de l'ignorance qu'ils ont de la réalité de l'islam, ils ont renié certaines paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, parce qu'elles ne sont pas en accord avec leur raison ou avec leur façon de penser, comme l'attitude des aqlaniyoun, ce qu'on appelle les aqlaniyoun. Hein, ceux-là, yani, c'est des gens qui sont apparus yani, dans le passé, on les a connus dans le passé, comme les anciens parmi les aqlaniyoun, les rationalistes, si on veut traduire ce terme en français. Bon, yani, les premiers parmi eux, c'était les gens de bid'a parmi les mu'tazila, qui plaçaient leur raison au-devant de la révélation. Ils jugent la révélation en se basant sur leur raison, et en fait, s'ils trouvent quelque chose dans la révélation qu'eux, ils n'acceptent pas ou qu'ils n'aiment pas, eh bien, ils nient, hein, le verset dans le Coran ou bien le hadith. Donc, ça c'est les anciens parmi les mu'tazila. Et à notre époque, il y a d'autres également parmi les mu'tazila qui ont adopté cette attitude-là et qui ont suivi la voie des mu'tazila, hein, et qui renient plusieurs aspects de l'islam maintenant au nom de la raison. Et souvent, c'est en particulier les aspects de l'islam qui sont en opposition avec le mode de vie occidental. Donc, on remarque que certains individus parmi eux, bon, ils arrivent et commencent à essayer de mettre des doutes là où il n'y a pas de doute, ou de remettre en question certains principes de l'islam par rapport au mode de vie des koufars de l'Occident. Il y a aussi ceux qui se disent musulmans et qui adoptent la mentalité ou la compréhension ou l'idéologie des laïcs, hein, et qui acceptent la religion uniquement dans certains aspects de ce qui est en accord avec leur passion et qui rejettent les autres aspects de la religion qui sont contraires. Donc ils divisent la religion en qu'est-ce qui est privé, et ils disent que la religion, ça doit être quelque chose qui se pratique uniquement sur le plan personnel et privé, et que tout ce qui a rapport avec le public, tout ce qui a rapport avec la politique, le social, l'économie et tout ça, hein, ils considèrent que les règles religieuses ne doivent pas être appliquées dans ces choses-là, parce que pour eux, c'est les êtres humains qui doivent faire leurs propres lois, et ils placent les lois faites par l'homme au-dessus des lois que Allah a révélées. Donc il n'y a pas de doute que ces gens-là font partie de ceux qui nient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui prennent de la religion uniquement ce qui est en accord avec leur, uniquement ce qui est en accord avec leur passion. Et donc ça, ça fait partie de nier les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala également, et c'est pour cette raison-là que la laïcité, c'est une forme de kufr et que c'est totalement rejeté dans l'islam, et qu'un musulman n'a pas le droit d'accepter cette idéologie-là. Donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour le croyant de croire en tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître la véracité de tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et également de l'appliquer, parce que c'est la vérité qui ne peut être approchée par le mensonge ou la fausseté, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne cela dans verset 42 dans sourate Fussilat. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. C'est-à-dire, le mensonge et la fausseté ne peut l'approcher, c'est-à-dire le Coran, ni par devant, ni par derrière. تنزيل من حكيم حميد. C'est une révélation d'un sage digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est donc l'explication que le cheikh a mentionnée à ce sujet-là, c'est pour expliquer que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut y avoir aucun doute à son sujet. Et il faut l'accepter en entier. Il ne faut pas rien renier de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le point numéro 49, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit, et il mentionne comme point numéro 49, كفرهم ببعض آيات الله. Le fait que des gens ont nié, des gens de la jahiliya ont nié, non pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement en entier, mais il y en a parmi eux qui ont nié certains parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par exemple, comme le cheikh l'a mentionné, certains juifs et certains chrétiens qui acceptent certaines choses qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui renient d'autres. Donc ça c'est l'attitude de ces gens-là, il y en a parmi les juifs et les chrétiens, puis on va voir des exemples de ça. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit « Jahdu ba'diha » c'est-à-dire le fait de nier certains d'entre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Ahlul jahiliya mutafawituna fit takzib bi ayatillah minhum man yukazzibu bi ayatillahi kulliha » ولا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن بكتاب من كتب الله كما عليه المشركون الذين لا يؤمنون بالأنبياء جملة وتفصيلا ومن باب أولى لا يؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل ومن أهل الجاهلية من يؤمن ببعض ويكفر ببعض كاليهود والنصارى ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه فإنه مثل من كذب به كله. قال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية فهم لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم وما خالف أهواءهم كذبوا به فلا ينفعهم الإيمان ببعض الكتاب إذا كفروا بالبعض الآخر ولو آية ولو كلمة من القرآن لا ينفعهم ذلك. Donc le cheikh explique maintenant l'exode à ce sujet. Il dit comme on a dit tout à l'heure, il y a des gens parmi les gens de la jahiliya qui sont à des degrés différents dans le fait de traiter la révélation ou de traiter les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala de mensonges. Parmi les mushrikoun et parmi les gens de la jahiliya, il y en a qui renient entièrement la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Comme ceux par exemple qui ne croient en aucun des livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, à aucun des messagers, ils les rejettent en entier, de manière globale. Comme les mushrikoun à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela rentre en premier lieu, ce sont eux qui rentrent dans le fait de nier ou de traiter de mensonges les signes et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croient en rien de ce qui est révélé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les gens de la jahiliya, il y en a une autre catégorie qui croit en une partie de ce qui est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui traite le reste de mensonges et qui le rejette. Comme par exemple les juifs et les chrétiens qui croient en une partie de la révélation et qui rejettent l'autre. Hein? Et celui qui agit de cette manière-là, hein, il est équivalent à celui qui rejette la révélation en entier. Il n'y a pas de différence entre les deux. Malgré qu'en apparence, ça peut donner l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'il y a une différence. Mais dans la réalité, il n'y en a pas de différence. Puisque tout vient d'Allah, toutes les révélations viennent d'Allah, toutes ces révélations-là viennent d'Allah. Donc si quelqu'un en accepte une partie et rejette le reste, c'est comme si en réalité il avait rejeté toute la révélation en entier. Donc, on a l'exemple des juifs et des chrétiens, comme le cheikh le mentionne ici. Les juifs, par exemple, ils disent qu'ils croient en Moussa alayhi salam. Ils disent qu'ils croient en la Torah. Et ils traitent de mensonge l'Injil, ils traitent de mensonge Isa, Maryam, Jésus, fils de Marie, et ils traitent également de mensonge le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la révélation qu'il a reçue, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils croient en une partie, mais ils rejettent le reste. La même chose pour les chrétiens aussi, qui croient en la Torah ou l'Injil, hein, et qui croient en Moussa ou Isa, et en certains prophètes qui sont venus donc avant Isa, alayhi salam, mais les autres, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu après le Coran, ils le rejettent, et ils n'y croient pas. Donc, ceux-là sont des koufars, et ceux-là donc font partie de ceux qui traitent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala de mensonges, puisque hein, ils n'ont pas cru en tous les messagers et en tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Et ça, c'est équivalent, comme le cheikh l'a expliqué, à traiter toute la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala de mensonges. Comme le cheikh il mentionne le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 85, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الآية فهم لا يؤمنون إلا بما يوافق أهواءهم. Donc le chef il mentionne le verset. Est-ce que vous croyez en une partie de du livre et vous reniez le reste, ou vous reniez l'autre partie, hein, et quelle sera la rétribution de celui qui agit de cette manière, excepté l'ignominie et l'humiliation dans cette vie d'ici-bas. Donc, et dans l'au-delà également, il sera ramené au plus dur châtiment. Donc ça c'est le verset 85 dans Surat al-Baqarah qui indique que ces gens-là ne croient pas en la révélation, excepté ce qui est en accord avec leur passion. Ce qui est en accord avec leur passion, ils disent oui, on l'accepte. Mais ce qui est contraire à leur passion, ils le traitent de mensonge. Et donc, le fait de croire en une partie et de rejeter le reste, c'est comme si le cheikh dit ça ne leur servira à rien, et c'est comme s'ils avaient rejeté toute la révélation en entier, parce que celui qui traite un verset de mensonge, ou même un mot dans le Coran, ou même hein, un mot dans le Coran, alors celui-là, ça ne lui servira à rien d'avoir cru en le reste de la révélation. Donc si quelqu'un dit oui, moi je crois en tous les versets, tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques, je crois. Tous les versets dans le Coran, je crois. Excepté un mot dans le Coran, je le rejette, il n'est pas croyant, il est kafir. Hein? Il fait partie des koufars. Et donc ça c'est important de le comprendre. Et donc ça vient clarifier encore qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport yani, à la laïcité et aux musulmans qui disent laïque et qui pensent qu'on peut être laïque tout en étant musulman en même temps. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une contradiction totale. Et en réalité, les gens qui prétendent une chose pareille font partie de ceux qu'on appelle les munafiqoun. Les munafiqoun, c'est-à-dire ceux qui prétendent être des croyants alors que dans leur cœur, ils ne croient pas. Et donc, c'est comme pour donner des exemples à ce sujet-là, comme par exemple des gens qui disent moi je crois en l'islam, hein, parce que ces gens-là, c'est ça leur attitude. Ils disent on croit en l'islam, mais ils croient uniquement dans l'islam en qu'est-ce qui est en accord avec leur passion et qu'est-ce qui est en accord avec leur désir. Le reste, il le nie ou il le rejette. Comme par exemple celui qui dit « Moi, je crois en l'islam, sauf que je ne suis pas d'accord avec les peines dans la religion musulmane. » Par exemple, dans les peines qui ont rapport avec certains péchés, lorsqu'ils sont mentionnés dans le Coran, lorsque Allah mentionne le fait que certains crimes doivent être punis par certaines punitions spécifiques, ils vont renier ces peines-là, comme la lapidation pour la personne qui est mariée et qui commet l'adultère, ou bien, par exemple, le fait de couper la main pour la personne qui a volé, ou bien, par exemple, les coups de fouet, ou bien les coups de fouet pour la personne, par exemple, qui a commis la fornication, ou bien la personne qui a bu de l'alcool, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples de personnes qui croient en... Ils disent, non, on croit en le Coran, on croit en la prière, on croit en le jeûne, on fait le jeûne de Ramadan, on croit en la zakat, on croit au hajj, des choses comme ça. Mais les peines islamiques, ça, on n'accepte pas. Ou bien, par exemple, ils vont dire, nous, on accepte, on croit en l'islam, mais on ne croit pas à la polygamie. La règle de la polygamie, ça, on ne croit pas, ça ne s'applique pas. Ou c'est pas quelque chose qui est valable aujourd'hui à notre époque, parce que ça c'était à l'époque ancienne, ou ça c'était dans le passé. Aujourd'hui on est évolué, on est moderne, et donc on ne peut plus suivre ces règles-là aujourd'hui. Ou bien ceux, par exemple, qui vont nier, par exemple, les règles de l'héritage selon la charia, comme c'est mentionné dans le Coran, et qui disent non, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas la division de l'héritage telle que c'est mentionné dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'aujourd'hui, on est une nouvelle époque, et on est dans l'époque moderne, et donc les hommes et les femmes doivent avoir l'égalité dans tout, même si dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné l'égalité dans tout. Nous, on prend juste les règles de l'islam qui en accord avec notre façon de penser ou notre soi-disant raison. Donc ça, c'est un exemple. Ou bien, par exemple, les gens qui vont dire, nous, on accepte, on croit en l'islam, mais, par exemple, en ce qui concerne les questions économiques, ben, nous, on ne va pas prendre les règles de la charia là-dedans, parce qu'à notre époque, c'est nécessaire de faire des transactions avec les intérêts, puis donc, on ne croit pas en l'interdiction des intérêts bancaires à notre époque. Ou bien les intérêts sur les prêts ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est l'attitude de certains qui se disent musulmans et ils adoptent l'idée de la laïcité. Et ça, c'est clair que c'est courbe. Et pour donner un exemple encore plus grave que tous les exemples que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, ceux qui se disent laïcs aujourd'hui parmi les musulmans, puis qui disent que il faut accepter toutes les croyances, toutes les religions sont vraies, toutes les religions sont bonnes, et on ne doit pas interdire une religion en particulier. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut, tout le monde a le droit à la liberté de croyance et de conscience et d'opinion, etc., etc. Même si c'est contraire à qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran, c'est pas grave. On peut croire en ce qui est en ce qu'on veut dans les différentes religions qui existent dans le monde. Et il n'y a personne qui est mécréant, tout le monde est croyant, et donc il faut respecter et aimer tout le monde, peu importe ce qu'il croit, peu importe ce qu'il dit. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui consistent des formes de mécréance en soi. Et si quelqu'un donc adopte cette croyance ou cette idéologie, il n'y a pas de doute qu'il est mécréant. Donc si le cheikh Al-Fawzan, il explique que la personne qui a nié un seul verset, ou une seule parole, un seul mot dans le Coran, il devient mécréant, alors que dire dans ce cas-là de celui qui rejette des règles claires et explicites dans la révélation au nom de la laïcité, il n'y a pas de doute que cet individu-là n'est pas croyant et qu'il n'est pas musulman. Donc, le cheikh, il dit ensuite, « Wa minhum man yaqul, inna al-Qur'ana makhlouqun » لأن لفظه ومعناه ومنهم من يقول إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه أو إن ألفاظه مخلوقة دون معناه كالأشعرة وهذا تكذيب بالقرآن فمن قال القرآن مخلوق ولفظه ومعناه كما تقول الجهمية أو قال إن لفظه مخلوق وأما معناه فمن الله فهذا أيضا كفر إلا أن يكون صاحبه مقلدا أو متأولا فيكون ضلالا لأن القرآن كلام الله لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه كله كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف Donc, le Cheikh explique un point aussi qui est relié à cette question. C'est la question du Coran et du fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. C'est-à-dire, tout ce qui est dans le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les mots ou la signification. Hein? Tout ce qui est dans le Coran, les mots et la signification et qu'est-ce qui est récité, donc tout ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans faire de distinction entre les mots et la signification de ces mots-là. Donc, il y a des gens de bid'a qui ont dévié au sujet du Coran et au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en général, mais en particulier sur la question du Coran. Comme par exemple les Jahmiyyah, hein, ils ont dit que le Coran il est créé. Ils ont dit le Coran est créé. C'est les mots du Coran sont créés et la signification également. Donc ça c'est les Jahmiyyah. Il y en a d'autres qui ont fait une distinction entre les mots et entre la signification. Comme par exemple la secte des Asha'ira. Hein. Et eux ils ont dit, contrairement, ils se sont distingués des Jahmiyyah. Ils ont dit, les mots sont créés, mais pas la signification. Donc pour eux, le vrai Coran, ou le Coran qui est la parole d'Allah, c'est pas les paroles qu'on récite, nous, quand on lit le Coran, hein, ou quand on entend le Coran réciter. Ça, pour eux, c'est créé. Qu'est-ce qui n'est pas créé, c'est la signification. Et pour eux, c'est ça vraiment qui est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu que ça, c'est contraire à qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, mais ça, on va le voir tout à l'heure. Le Cheikh, il va mentionner les preuves à ce sujet-là. Donc, il dit, celui qui dit que le Coran est créé dans les mots utilisés dans le Coran, ou bien dans sa signification, comme le Jahmiyyah, ou bien celui qui dit que ces mots sont créés, mais pas sa signification, la signification elle vient d'Allah, donc ça aussi c'est kufr. Donc les deux sont kufr en réalité. Les Jahmiyyah ont été déclarés kuffar par les ulama, et ceux qui disent parmi les Asha'ira que les mots sont créés mais pas la signification, ça aussi c'est kufr. Le Cheikh dit accepter si la personne c'est un muqallid ou quelqu'un qui est muta'awil. Un muqallid, c'est quelqu'un qui suit qu'est-ce que quelqu'un lui a enseigné sans réellement comprendre ou savoir d'où il l'a pris, ou sans savoir réellement d'où ça vient son idée. C'est juste répéter aveuglément et suivre aveuglément. Donc ça, c'est parmi les gens qui peuvent être excusés, hein, parfois, et on va pas les déclarer kuffar, puisqu'ils ont été des gens qui ont fait le taqlid, hein. Et il y a aussi d'autres qui font partie des gens qui font le ta'wil. Donc il y a certaines formes d'erreurs d'interprétation ou d'erreurs de compréhension qui fait que certains individus parfois peuvent être excusés du fait qu'ils se sont trompés dans la compréhension d'un verset ou dans la compréhension d'un hadith ou des choses de ce genre. Donc si cette personne a dit que les mots du Coran sont créés, et non la signification, donc ça c'est une forme de kufr, hein, c'est la personne qui dit ça, excepté si il est muqallid ou muta'awil, parce que là on va dire que c'est un égaré, mais on va pas nécessairement le déclarer kafir, excepté bien entendu si la preuve a été établie contre cet individu-là et que il refuse ou il s'obstine à continuer à nier la réalité. Donc le cheikh il dit par la suite que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mots du Coran et la signification, les deux ensemble. Hein, tout ça, ça fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les lettres et les significations, tout ça, ça fait partie de la parole d'Allah et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement les lettres sans la signification et c'est pas seulement la signification sans les lettres qui est la parole d'Allah, c'est les lettres et la signification ensemble qui composent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a et c'est la aqidah des salafs au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui disent autre chose que ça, c'est une façon de nier qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh ensuite il dit juhuduhum inzal al-kutub wa juhuduhum inzal al-kutub ala rusul. Ça c'est le point numéro 50. Le cheikh il dit que ces gens-là ils nient ce que les messagers, hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers, les livres révélés aux messagers. Il dit qawluhum ma anzal Allahu ala basharin min shay. Ça c'est le verset 91 dans Surat al-An'am. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait que les Juifs ont dit « Allah n'a jamais fait descendre quoi que ce soit sur un être humain. Il n'a jamais révélé quoi que ce soit à un être humain. » Le Cheikh Al-Fawzan, il commente ce verset. Il dit « قَالَتِ الْيَهُودِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَعْنَهُ إِنْكَارُ الرِّسَلَاتِ كُلِّهَا وَإِنْكَارُ الْوَحْيِ كُلَّهِ وإنكار الوحي وإنكار الوحي كله والذي حملهم على ما قالوه الحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم فرد الله تعالى عليهم بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس أي ما دمتم تقولون الكتاب الذي مع موسى من عند الله وموسى بشر فلماذا تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء فهذا تناقض من اليهود لعنهم الله حملهم عليه الحسد حتى كذبوا بالرسل كلهم حتى كذبوا بالرسل كلهم وبالكتب كلها من أجل محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل القرآن نسأل الله العافية فانظر ما يفعل الحسد بأهله ومثله قول الجهمية إن القرآن لم ينزل من عند الله وقول من قال إن السنة ليست وحيا من الله وإنما هي من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que les juifs ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais rien révélé à un être humain. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie de renier toutes les révélations et tous les messages en entier. Et c'est une négation de la révélation en entier, comme je disais. Et là, qu'est-ce qui les a poussés? Qu'est-ce qui a poussé les Juifs à dire une chose pareille dans le Coran? C'est que Allah a mentionné cette parole-là à leur sujet dans le Coran, le verset 91 dans Surat al-An'am. Qu'est-ce qui les a poussés à dire ça? C'est la jalousie pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés juste dans le même verset par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis-leur ô Muhammad, dis aux Juifs, qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa? Qui a fait descendre, ou qui a révélé le livre avec lequel est venu Moussa, alayhi salam, qui est une lumière et une guidance pour les hommes? Qui a fait descendre ce livre-là? Qui l'a révélé? Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, du moment que vous dites que le livre avec lequel Moussa est venu vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Moïse, Moussa alayhi salam, est un être humain, alors comment pouvez-vous dire, ou pourquoi dites-vous que Allah n'a jamais fait descendre quoi que ce soit sur un être humain, n'a jamais révélé quoi que ce soit comme révélation à un être humain? Ça c'est une contradiction de la part des Juifs. Et qu'est-ce qui les a poussés à ça? C'est la jalousie seulement. Il n'y a rien d'autre que la jalousie qui les a poussés à dire ça. De les amener jusqu'à traiter de mensonges tous les messagers et tous les livres à cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à cause du Coran. Donc ça c'est grave. hein. Donc c'est comme pour dire quelqu'un par exemple, comme les juifs par exemple, parce qu'ils ne veulent pas croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en le Coran, ils disent par la suite, non, Allah n'a jamais fait descendre quoi que ce soit comme révélation aux hommes. Et ça c'est grave, puisque eux-mêmes ils prétendent que ils croient en Moïse et ils croient qu'il est venu avec une révélation et Moïse est un être humain. Donc ça c'est grave. Et parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils traitent même ce qu'ils possèdent eux-mêmes comme mensonge. Hein? Ils traitent même ce qu'ils ont reçu comme, comme révélation eux-mêmes comme étant un mensonge à cause de ça. Donc il dit, le cheikh Al-Fawzan, il dit, et tout ça à cause de quoi? À cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à cause du Coran, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous épargne de ce comportement ou de cette attitude. Il dit, regardez ce que la jalousie peut faire avec certains individus et jusqu'à où ça peut les amener. Ça peut les amener même jusqu'à nier la réalité et la vérité de ce qu'ils connaissent. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit, regardez l'exemple, hein, semblable à ça, l'exemple des Jahmiyyah, hein, qui ont dit que le Coran n'est pas révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez aussi l'exemple de ceux qui disent, hein, comme l'exemple de ceux qui disent, parmi les gens, certains qui se disent musulmans, ils disent que la Sunna n'est pas une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est seulement des jugements ou des opinions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, des formes, différentes formes d'ijtihad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est pas une révélation. Donc ça c'est une attitude qu'on voit de la part de certains, hein, qui renient la vérité ou qui rejettent la vérité parmi les gens de la Jahiliya, et dans ce verset-là c'était en particulier Al-Yahoud. Et on voit, hein, cette attitude-là même de la part des gens de Bid'a, hein, aujourd'hui parmi les gens qui se disent musulmans. Et en fait, c'est ça qui est important de comprendre, comme je l'avais expliqué déjà dans le livre, c'est que plusieurs de ces différentes formes de Jahiliya qui existaient chez les gens de la Jahiliya, eh ben, elles sont présentes aujourd'hui dans la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire des gens de Bid'a, hein, qui ramènent ces différentes formes de Jahiliya, ces différentes manifestations de la Jahiliya, parfois, parmi les musulmans. Le Cheikh, il dit, wasfuhum lil Qur'an bi annahu min kalam al bashar. Le fait que, les gens de la Jahiliya décrivent le Coran comme étant une parole d'être humain. Ça, c'est le point numéro 51. Le Cheikh, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. C'est le fait qu'ils disent au sujet du Coran, ceci n'est certes qu'une parole d'homme. Ça c'est le verset 25 dans Surat Al-Muddathir. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les paroles des kuffars au sujet du Coran. Et il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan il dit, من وسائل أهل الجاهلية أنهم يقولون إن القرآن قول البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به تكلم الله به حقيقتان وأوحاه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فهو كلامه حقيقة وسماه كلامه في آيات كثيرة مثل قوله حتى يسمع كلام الله ويريدون أن يبدلوا كلام الله وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتباع الرسل صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que parmi les gens de la Jahiliya, il y en a qui disent que le Coran c'est la parole d'un être humain. Comme par exemple ce que un des mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, c'est Al-Walid ibn al-Mughira. Il disait que le Coran c'était la parole d'un être humain. Donc le Cheikh Al-Fawzan dit que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala a réellement prononcé cette parole-là et il l'a révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril. Donc c'est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a lui-même appelé sa parole dans plusieurs versets dans le Coran, comme le verset 6 dans Surah Tawbah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il dit jusqu'à ce qu'ils entendent la parole, jusqu'à ce qu'ils entendent la parole d'Allah. Et il mentionne le verset 15 dans Surah Al-Fatih, يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. Ils veulent changer la parole d'Allah. Donc ça c'est la croyance d'Ahlus Sunnati wal Jama'a et de ceux qui suivent les messagers, de ceux qui suivent le messager au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمشركون يعرفون أنه كلام الله وأنه ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لكان باستطاعتهم أن يقولوا مثله لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم فلو كان من كلامه كان باستطاعتهم أن يحاكوه والله جل وعلا تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة مثله فلم يأتوا بشيء من ذلك مع كفرهم وعنادهم وحرصهم على مشاقة الله ورسوله وحرصهم على مشاقة الله ورسوله فلو كان باستطاعتهم أن يأتوا بصورة من مثله لما تأخروا ولكن عجزوا عن ذلك فدل ذلك على أنه كلام الله جل وعلا لا كلام غيره لا كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام الله وإنما هو كلام الله وإنما هو كلام الله وإنما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام مبلغان عن الله جل وعلا كلامه بأمانة والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا أو مبلغا مؤديا الشيخ الكلزي للمشركون savent que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent que ce n'est pas la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si c'était la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient été capables de dire quelque chose de semblable et de faire quelque chose de semblable. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme eux. Donc si c'était la parole d'un être humain, et si c'était la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient été capables de l'imiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a mis au défi, hein, les a défiés de ramener quelque chose de semblable, ou bien de ramener 10 versets comme les versets du Coran, ou bien une sourate, une seule sourate semblable. Et ils n'ont rien ramené de cela. Hein. Malgré leur mécréance et leur opposition à la vérité et leur désir ardent d'opposer Allah et d'opposer le messager sallallahu alayhi wa sallam, tellement ils détestaient la vérité, tellement ils détestaient l'islam et ils ont tout fait pour essayer d'arrêter l'islam. Ils sont passés par toutes sortes de moyens, hein, plus compliqués les uns que les autres pour essayer de venir à bout du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ils voulaient vraiment arriver à la fin, mettre fin à la da'wah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient pu juste essayer de relever le défi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et de ramener un verset semblable ou une sourate semblable ou quelques versets semblables. Hein, mais ils n'ont jamais été capables de le faire. Hein, et ils ont retarder l'affaire, hein, ils ont toujours ils n'ont jamais réussi à ramener quoi que ce soit de semblable, alors que ça aurait été un moyen, hein, si c'était possible pour eux de le faire, ça aurait été un moyen bien plus simple et bien plus rapide que de passer par toutes ces différentes tentatives d'attaque et de combat contre les croyants, contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Donc ça c'est la preuve qu'ils sont incapables de ramener quoi que ce soit de semblable, et ça c'est la preuve, malgré à l'époque que les Arabes sont, étaient connus pour leur éloquence, pour leur poésie, hein, pour leur maîtrise de la langue, etc. Hein, malgré tout ça, ils ont été incapables de ramener quoi que ce soit de semblable. Et ça, c'est la preuve que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non la parole de quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas la parole de Jibril, ni la parole de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi wa salatu wa salam, mais c'est uniquement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jibril, l'ange Gabriel, et Muhammad, alayhi wa salatu wa salam, ne sont que deux parmi les transmetteurs de cette révélation et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont transmis cette parole de manière fiable et de manière juste, sans rien ramener de leur, sans rien rajouter de leur propre parole à eux. Donc, la parole de quelqu'un, elle est attribuée à celui qui l'a, de qui elle est originaire, hein, de celui qui l'a prononcée ou qui l'a exprimée en premier. Donc, quand on dit que le quand on parle du Coran, on dit que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a yani, parlé ces mots-là en premier. Hein, et c'est pas yani, quelqu'un d'autre. Donc c'est pas Jibril et c'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril, alayhi salam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont que transmis la révélation. Et donc c'est comme par exemple, si par exemple quelqu'un dicte un message à une autre personne, il va lui dicter le message. Ensuite il demande à cette personne à qui il a dicté son message de partir et d'aller transmettre son message à quelqu'un d'autre, dans un autre endroit. Donc la personne va partir donc avec ce message et va lire. Hein, va lire à cet individu le message qui lui a été dicté. Donc du moment que la personne lit le message qui lui a été dicté, est-ce qu'on peut dire que ce message-là, c'est la parole à celui qui transmet le message, ou bien c'est la parole à celui qui a dicté le message en premier? Bien entendu, c'est la parole de celui qui a dicté le message en premier, et non pas la parole de celui qui va transmettre le message. Hein? Donc par exemple, c'est la même chose pour n'importe quelle autre chose. Si par exemple moi, je demande à un frère, Mohamed ou Mouhtar ou n'importe quel autre frère, hein, je lui dis, va dire à telle autre personne hein, que yani, je veux qu'il fasse telle ou telle chose, eh bien bien entendu, cette parole, c'est ma parole, et ce ne sera pas la parole de Mohamed ou de Mouhtar. Eh bien c'est la même chose en ce qui concerne le Coran, hein, quand quelqu'un récite le Coran, il récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il récite pas la parole, hein, c'est pas sa parole à lui, c'est pas la parole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pas la parole à Jibril alayhi salam, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Ensuite, الشيخ الزي والكفار يكابرون تارة يقولون القرآن سحر وتارة يقولون إنه تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من علماء أهل الكتاب وينوعون الأقوال مما يدل على كذبهم في هذا وتخرصاتهم. Donc le cheikh il dit que les kuffars, ils font preuve d'orgueil, puisque parfois on voit que pour renier le Coran, ils disent que c'est de la magie, de la sorcellerie, et d'autres fois ils disent que c'est quelque chose que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appris de la part des savants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et donc on voit qu'ils ont différentes façons d'expliquer l'origine du Coran, ce qui prouve que c'est un mensonge de leur part, et ce qui prouve qu'ils inventent des choses, hein, puisque parfois ils disent une chose, parfois ils disent l'autre, et ils ne savent pas réellement quoi dire. Donc le cheikh il dit, فَالَّذِي يَعْتَقِدُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ فَالَّذِي يَعْتَقِدُ أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قول البشر فقوله هذا هو قول أهل الجاهلية كما عليه الجهمية والمعتزلة ومن شابههم ممن يقول أو ممن يقولون إن القرآن ليس كلام الله وإنما خلقه الله جل وعلا في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ أو غير ذلك من الأقوال الباطلة التي هي من جنس قول الجاهلية قول الجاهلية. Donc le cheikh ici qui dit celui qui dit je crois que le Coran est la parole ou bien celui qui croit que le Coran est la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou que c'est la parole d'un être humain alors celui-là il dit la parole des gens de la jahiliya de la même façon que aujourd'hui ou bien yani on l'a retrouvé dans le passé mais également certaines manifestations de ça aujourd'hui de la part des Jahmiya, des Mu'tazila et de ceux qui leur ressemblent, comme les Asha'ira et les Maturidiya, hein, qui sont deux sectes qui sont très répandues dans le monde musulman aujourd'hui. Eh ben, ils disent quoi? Ils disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, puisque pour eux c'est seulement la signification de cette parole qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Le Coran qu'on entend et qu'on récite, ça c'est créé. Et donc, ils disent que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette parole en Jibril et en Muhammad, hein, ou en Muhammad, ou dans, les tables, dans la table préservée, l'Allah al-Mahfouz, et ainsi que d'autres paroles complètement fausses qu'ils disent également. Et tout ça, donc, ça rentre dans les paroles des gens de la Jahiliya. Ensuite, le point numéro 52. الشيخ يلسلك اللي نفيهم الحكمة عن أفعال الله ستذلك إلني لا سجز الله سبحانه وتعالى إلني لا سجز الله سبحانه وتعالى دونك الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلسلكم يسأل ذلك القدح في حكمة الله تعالى فكر إلزنسل الله سبحانه وتعالى par rapport à sa sagesse et il nie sa sagesse. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage, al-hakim. Donc on va lire les paroles de Cheikh al-Fawzan à ce sujet-là. Le Cheikh, il dit, Allah jalla wa ala wasafa nafsahu bil-hikma wa annahu hakimun wal-hikmatu wad'u al-shay'i fi mawdi'ih fal-hakimu huwa alladhi yad'u al-ashya fi mawadi'iha al-la'iqati biha. والله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيم والحكيم ذو الحكمة ذو الحكمة البالغة. Donc le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit lui-même par la sagesse et qu'il est sage. Et donc la sagesse c'est quoi? C'est de savoir mettre quelque chose à la bonne place, hein? De savoir mettre quelque chose là où elle va réellement et là où elle mérite réellement d'être placée. Et donc, la personne qui est sage ou le sage, c'est celui qui hein, place les choses là où elles vont réellement et à la place qui met les choses à la place qui leur convient. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, il s'est décrit lui-même comme étant ou comme possédant de la sagesse. Il s'est décrit lui-même comme possédant la sagesse et comme étant sage ou comme étant le sage. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celui qui possède la sagesse, hein, la sagesse absolue. Et donc, le cheikh il dit: وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمة. ما خلق الله شيئا إلا لحكمة. ما خلق الله شيئا عبثا. خلق السماوات والأرض لحكمة وخلق الأراضين لحكمة وخلق الأشجار لحكمة وخلق البحار والحياة لحكمة وخلق الجبال لحكمة وخلق العوالم الجن والإنس والبهائم والحشرات كل شيء خلقه الله لحكمة وإذا تدبرت إتقان المخلوقات ونتائجها عرفت حكمة الله جل وعلا وأن خالقها حكيم ذو حكمة بالغة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Donc le cheikh explique, il dit que de même que toutes les créations, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées en se basant sur la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé excepté qu'il l'a créé par sagesse, par sa sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé pour rien, n'a rien créé de façon inutile ou de façon absurde, hein, sans raison. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux pour une sagesse, il a créé les terres pour une sagesse, il a créé les arbres pour une sagesse, il a créé les océans et la vie pour une sagesse, il a créé les montagnes également pour une sagesse, et donc il a créé tout ce qui existe parmi les différents mondes qui existent, comme le monde des djinns, des êtres humains et des animaux et des insectes. Toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées pour une sagesse. Et lorsque tu médites, hein, sur la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses, yani a créé toutes choses de façon parfaite, et il a maîtrisé toutes les choses qu'il a créées, et lorsqu'on médite également sur les résultats de ce qu'il a créé, donc on réalise clairement et on sait clairement que Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse dans tout ce qu'il a créé. Et que le créateur de toutes ces choses, il est sage et il possède la sagesse absolue. Et il mentionne des versets dans Surat Taha, le verset 50, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « A'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada » Allah subhanahu wa ta'ala a créé, ou plutôt, il a donné à chaque chose sa création, sa forme, et puis il l'a inspiré, et il l'a guidé. Il a donné à toute chose sa nature, et puis il l'a dirigé, il l'a orienté, il l'a guidé. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. Donc le cheikh il mentionne ensuite le verset 27, dans surat Sad, dans lequel Allah il dit « nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ceux qui se trouvent entre les deux de manière inutile, sans raison. » Ça c'est ce que les kuffars croient, ceux qui ont mécru, ils croient ça. Ils croient que Allah a créé les choses de manière absurde, hein, de manière inutilement, hein, de manière inutile, c'est-à-dire que de façon inutile, sans qu'il y ait de sagesse derrière. Et ça, c'est ce que croient les mécréants. Mais malheur à ceux qui ont mécru d'un châtiment du feu pour eux qui les attend. Et donc, ça, c'est pour faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la création, hein, inutilement ou de manière absurde. Non. Il y a une sagesse bien, bien profonde dans la création de toutes ces choses-là. Hein? Et à l'époque actuelle, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va donner des exemples de ça tout à l'heure. Mais donc, c'est juste pour expliquer qu'en fait, beaucoup de kuffars aujourd'hui, surtout parmi les gens qui sont matérialistes et qui ne croient pas en la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa sagesse, ils nient, hein, les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont essayer d'inventer d'autres explications à la création de certaines choses ou à l'existence de certaines choses qui sont en opposition avec la sagesse divine. Hein. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est justement pour éloigner les gens de la révélation et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour les amener à faire ce qu'ils veulent. Comme par exemple, on constate ou on remarque que ils vont remettre en question les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Hein, ils vont nier qu'il y a une sagesse. Ils vont dire, par exemple, que tout ce qui existe, c'est uniquement un pur hasard. Hein, que si les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est uniquement un pur hasard. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation spécifique pour eux, ou de règles, ou de lois de la nature, ou de l'univers que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Pour eux, non. Tout ça, ça se passe de manière un peu chaotique dans l'univers, et il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Et il y en a d'autres qui disent que l'être humain, donc, c'est le résultat d'un hasard comme le Big Bang et une explosion qui est arrivée comme ça, et que il n'y a pas vraiment de but ou de dessein ou de sagesse dans toute cette création-là. Tout s'en va comme ça, un peu par hasard, de manière aléatoire, hein, sans qu'il y ait une sagesse derrière. Et donc, il nie tout ce qui est ordre et organisation dans l'univers et dans le monde, hein, tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans la révélation. Donc, par exemple, juste vous donner un exemple concret de ça, dans, qui a rapport avec, leur notion, par exemple, de la famille. Comment ils voient la famille? Ils vont dire, bon, il n'y a pas une règle qui doit être suivie. Il n'y a pas l'homme qui est le chef de la famille, et il n'y a pas non plus, le fait que l'homme a une supériorité en tant que chef de la famille, des choses de ce genre. L'homme et la femme, pour eux, sont égaux. Et le fait qu'il y ait des différences biologiques entre l'homme et la femme, pour eux, ça, c'est pas quelque chose qui découle d'une sagesse divine. Pour eux, ça, c'est juste des circonstances, des coïncidences ou des hasards qui font qu'il y a eu des différences et qu'il ne faut pas se baser sur ces différences-là pour faire des distinctions entre les rôles qui sont respectifs pour l'homme et pour la femme. Hein. Au contraire, pour eux, il faut tout faire pour écraser ces différences-là et pour les mettre de côté, pour les nier en réalité et vivre comme si elles n'existaient pas, ces différences-là. Donc ça, c'est un exemple de façon comment ils nient la réalité et comment ils nient en même temps la sagesse divine. Et la même chose aussi dans leur système, dans leur façon de voir la politique, dans leur façon de voir l'économie et tout le reste de la façon dont ils ont organisé leur système. Tout ça, c'est basé sur la négation de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est exactement ce à quoi appelle la laïcité et ces idées-là. D'éliminer ou d'enlever dans la croyance de l'homme l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala est le tout-puissant et le sage, et que tout ce qu'il a créé est pour une sagesse. Donc ils veulent nier tout ça. Et donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan dit, Wallahu jalla wa ala hakimun, hakimun fi khalqi, hakimun fi amrihi wa nahyihi wa tashri'ihi, la yanha an shay'in illa wa fihi madaratun khalisatun aw rajiha, ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يحاسب الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، ولا يترك الناس بدون جزاء، كل يعمل ثم لا يجازى، هذا يخالف الحكمة. ولهذا يقول جل وعلا ما وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ويقول سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول جل وعلا ردا على الذين ينكرون البعث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى. الشيخ يكتب ذلك الله سبحانه وتعالى إلي ساج، الله سبحانه وتعالى إلي ساج dans sa création، إلي ساج dans son commandement، إلي ساج dans son interdiction، إلي ساج dans sa législation، il n'interdit rien excepté que il y ait dans ce qu'il a interdit quelque chose de nuisible, soit de manière claire et absolue, ou soit du fait qu'il y a un plus grand mal qu'un bien dans la chose qu'il a interdit. C'est-à-dire que parfois Allah subhanahu wa ta'ala va interdire quelque chose parce que c'est quelque chose qui est un mal pur, ou bien parce que le mal qui est dedans est plus grand que le bien qui est dans cette chose. Donc, s'il y a plus de mal que de bien, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit. Et la même chose, lorsqu'il leur donne quelque chose, c'est parce que c'est purement quelque chose de bien. Et, ou bien le bien qui est dedans est plus grand que son mal. Donc ça, c'est un exemple par rapport à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il leur donne, c'est parce que c'est bon, ou plus bon, que, plus bien que mal, ou bien tout ce qu'il interdit, c'est parce que c'est mauvais, ou plus mauvais que bon. Et donc, le cheikh, il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les exemples de sa sagesse, c'est qu'il va faire des comptes, ou prendre un compte de ce que sa création a fait, ce que les êtres humains et les djinns ont fait. Et il va récompenser celui qui a fait le bien pour son bien, et il va rétribuer celui qui a fait le mal pour le mal qu'il a commis. Donc chacun va être jugé et rétribué selon ce qu'il mérite. Il ne va pas laisser un être humain sans récompense ou sans rétribution. Chacun fait ce qu'il veut, et après il n'y aurait pas de rétribution. Ça, c'est contraire à la sagesse divine. Ça, c'est contraire à la sagesse divine. C'est comme ceux qui, aujourd'hui, parmi les koufars, ils disent, parmi les laïcs, les koufars, les athées et les autres, ils disent, après la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut dans cette vie. Si tu fais le bien, c'est bon. Tu fais le bien, mais tu respectes les lois, tu es un honnête citoyen, tu es un honnête individu, tu ne fais pas de mal à personne. Puis après la mort, tu meurs, puis c'est fini, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Donc celui qui croit en ça, en réalité, c'est celui qui nie la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme s'il prétendait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde-là inutilement, pour rien. Et qu'il n'y a pas de mérite à être bon. Et il n'y a pas de blâme à être mauvais, puisque le résultat et la conclusion à la fin, c'est la même chose. C'est-à-dire le néant, ou le fait de cesser d'exister, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est, il n'y a pas de doute que c'est une négation de la sagesse divine. Et le cheikh, il parle de certains versets qui mentionnent ces choses-là. Comme par exemple le verset 16 dans Surat al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: je n'ai pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, pour un jeu, ou en jouant. Je n'ai pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, pour jouer, ou en jouant. La'ibin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé les cieux et la terre pour s'amuser. La même chose, dans un autre verset, qui est le verset 28 dans Surat Sad, et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, inutilement, ou sans raison, ou sans sagesse. Ça, c'est ce que croient les koufars. Ils croient que tout ce monde existe là, et que c'est pour rien. On vit pour vivre, pour s'amuser, ou passer le temps, c'est tout. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Alors, malheur à ceux qui ont mécru d'un châtiment, du feu. Et donc, ça, c'est ce que croient les koufars aujourd'hui. Et regardez donc, à l'époque du prophète, je me souviens, il y a de ça, 1400 ans, les gens, déjà, ils pensaient ça. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça de la part des koufars. Donc c'est pour dire que cette idée-là, de la part des koufars, ils disent non, mais c'est juste cette vie d'ici-bas qui compte, il n'y a rien après, et bien ça existait même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas quelque chose qui est apparu seulement avec l'époque moderne, comme certains s'imaginent que le fait de ne pas croire en Dieu, c'est quelque chose de moderne, ou que c'est quelque chose qui est apparu, puis que les gens dans l'ancien temps, ils étaient tous superstitieux, ne croyaient pas ils ne croyaient pas comme les gens d'aujourd'hui, en le fait que cette vie d'ici-bas c'était la seule chose. Il y a des catégories parmi les koufars et les mouchriquines qui niaient la sagesse divine, même à l'époque du prophète Mohammed et même avant ça. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est nouveau, cette idée-là. Après, le cheikh, il dit, il mentionne donc un autre verset. Le verset 115 dans Surat al-Mu'minun, « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا » Est-ce que vous croyez que nous avons uniquement créé une pour sans raison comme ça? Abath, l'abath, c'est-à-dire que tu fais quelque chose hein, sans raison, inutilement. Abath, il y a quelque chose que tu fais qui est absurde, futile, inutile, sans raison. Donc, ça c'est le verset 115 dans Surat al-Mu'minun. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Et que vous ne serez pas retournés vers nous, après la mort. Et le verset 36 dans Surat Al-Qiyamah, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى Est-ce que l'homme croit qu'on l'a créé sans responsabilité, sans ordre, sans interdiction, sans rétribution? Bien sûr que non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et il nous a ordonné des choses à faire, il nous a interdit des choses et il va nous rétribuer bien entendu pour ce qu'on a fait. وأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى فالأشاعرة يقولون الله لا يفعل لحكمة وإنما يفعل لمشيئة مجردة فقط لا لحكمة لأن الحكمة معناها أنه يعمل لغرض والله منزه عن الأغراض لأن الحكمة تؤثر عليه فيكون خلقهم من أجل هذه العلة والله جل وعلا ما شاء والله جل وعلا يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة فقط لا لحكمة ينفون لا لحكمة فينفون الحكمة في أفعال الله وفي شرعه تنزيها لله بزعمهم عن الأغراض ولهذا يقولون يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسق والمعاصي وينهى عن الطاعة وعن إقام الصلاة وعن صلة الأرحام وغير على فعل وعلى فعل الخير لأن هذا راجع لمشيئته فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير لأنه يفعل ما يشاء ونقول لهم نعم يفعل ما يشاء سبحانه لكنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة donc le cheikh explique il dit que les gens de la jahiliya nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans ses ordres, dans ses commandements, dans son commandement. Et donc, ça c'est les gens de la jahiliya. Maintenant, parmi les gens qui se disent musulmans, il y a des sectes, des garments qui, eux aussi, nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple les Mu'tazila et les Asha'ira. Ils nient la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Comme par exemple également les Asha'ira qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala agit sans sagesse. Il agit sans que ce soit pour une sagesse. Il fait les choses uniquement par pure volonté seulement. Et non pas pour une sagesse ou pour une raison. Parce que pour eux, la signification de la sagesse, ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala agit pour un intérêt. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de ce genre d'intérêt parce que et également ils disent parce que la sagesse elle affecte donc ils disent ça voudrait dire que si on affirme la sagesse ça voudrait dire que la sagesse affecte Allah subhanahu wa ta'ala elle a un impact ou un effet sur Allah subhanahu wa ta'ala et donc il a créé les créatures pour cette sagesse-là, ou pour cette raison-là. Et Allah, Jalla wa Ala, il fait ce qu'il veut, uniquement par rapport à sa volonté, et son vouloir seulement. Et non pas pour une sagesse. Donc, il nie la sagesse dans les actions d'Allah, et dans sa législation, dans le but, soi-disant, comme ils prétendent, hein, comme ils prétendent faussement, de purifier Allah subhanahu wa ta'ala des intérêts. Hein. Et le cheikh il dit, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est permis à Allah subhanahu wa ta'ala d'ordonner la mécréance, le péché, la désobéissance, hein, et il peut également interdire l'obéissance, il peut également interdire d'établir la salat et de garder les liens de parenté et de faire le bien. Donc, ils disent que tout ça, ça revient uniquement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il peut ordonner, ils disent les Asha'ira et ces gens-là, donc ils disent qu'il peut ordonner le mal et interdire le bien parce qu'il fait ce qu'il veut. Et le cheikh, il dit, nous on leur dit à ce sujet-là, oui, il fait ce qu'il veut, mais hein, il ne fait rien excepté qu'il le fait pour une sagesse. Hein, il fait ce qu'il veut, mais il ne fait rien sans que ce soit pour une sagesse. Le cheikh dit ensuite, وَيَقُولُونَ يَجُوزُ أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ الْكَافِرَ الْجَنَّةِ وَأَنْ يُدْخِلَ الْمُؤْمِنَ التَّقِيَ النَّارِ لِأَنَّ هَذَا رَاجِعٌ إِلَيْهِ فلا تحكمه العلل ونقول هذا باطل هذا كلام باطل لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ويقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فالذين قالوا هذه المقالة ووصفوا الله بالسوء والجور تعالى الله عن ذلك فالذين قالوا هذه المقالة وصفوا الله بالسوء والجور تعالى الله عن ذلك فهذا هو مذهب أهل الجاهلية ونفاة الحكمة من الأشاعرة ونحوهم نسأل الله العافية. Le cheikh il dit que ils disent ces gens de bid'a parmi les Asha'ira, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il a le droit de, ou bien il est permis pour lui de faire rentrer le kafir au paradis et de faire rentrer le mu'min qui craint Allah subhanahu wa ta'ala en enfer, parce que ça revient à lui et c'est lui qui le fait s'il le veut, c'est-à-dire que ça a pas rapport avec une sagesse ou une cause spécifique. Et le chef il dit ensuite, nous on dit à ce sujet-là et on leur répond que ça c'est une parole totalement fausse et que ça ne convient pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran pour réfuter cette idée dans le verset 28 dans Surat Sa'd. Il dit, est-ce que nous allons placer ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres au même niveau ou à égalité avec ceux qui font la corruption sur la terre, ou est-ce qu'on va placer les pieux au même degré que les pervers et ceux qui font la perversité et la corruption? Et il mentionne le verset 21 dans Surat Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, est-ce que ceux qui commettent des péchés, croient qu'on va les mettre au même degré ou à égalité avec ceux qui ont cru et qui font des bonnes œuvres, à égalité, est-ce qu'ils pensent qu'on va les mettre à égalité dans leur vie et dans leur mort, ceux qui font les péchés et ceux qui font le bien, comme ils jugent mal. Donc ceux qui disent ce genre de paroles, ils ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala par le mal et par l'injustice. Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté de ce genre de caractéristiques, hein. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, hein. Et donc, il peut pas punir le croyant qui craint Allah et le faire rentrer en enfer et récompenser le kafir et le faire rentrer au paradis, parce que ça, c'est contraire à sa sagesse, hein. Et donc, le cheikh, il dit, هذا هو مذهب أهل الجاهلية. Ça, de dire ça, de dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut punir le kafir et non, peut punir le mu'min et le faire rentrer en enfer pour l'éternité et peut récompenser le kafir et le faire rentrer au paradis, ça c'est le mazhab des gens de la jahiliya qui nie la sagesse parmi les asha'ira et d'autres également. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre Al-Fawa'id, il a nié cette idée-là et il a montré l'absurdité et l'égarement des idées de ces gens-là parmi les asha'ira. Et imaginez, il a donné un exemple, d'imaginer un enfant, yani, que ses parents commençaient à le punir quand il fait du bien, et qu'il commence, et que ses parents commencent à yani, le récompenser lorsqu'il fait du mal. Qu'est-ce qu'on dirait de ces parents-là? Wallahi al-mathal al-a'la. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah. Puis, on continuera ce cours la semaine prochaine, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته